changer de terre ou de trace. S'il faut chercher dans l'exil l'empreinte de mon espace. Et même si les tempêtes, les dieux m'appellent les courants, nous ferons courber la tête, plier genoux sous le vent. Au creux.